Ouais, ouais, Proxy 4, J.Queuse, Scoop. Oh, parce que le rap est une passion et avoir le flow une science. Faut que tu check la leçon, monte le son dans ta chambre. Comme je l'ai fait il y a même plus de 10 piges déjà. Sur IAM, la clique à virage dans ma vie de rap. Premier texte gribouillé en permanence au lycée. Un vieux son mix et on kickait les missiles. Si peu influençable avec un pur mental. Aucun instrument n'était insurmontable. Et c'est cet esprit que je garde en moi. Même si là je respire, j'oublie pas que je viens d'en bas. La dalle de Gargantua et la haine au fond du cœur. Heureusement par endroit, l'espoir en fil conducteur. Chaque morceau est un vrai test, si tu l'as pas tu perds pied. La rage du premier texte, ça s'héritait du dernier. La rage du premier texte, ça s'héritait du dernier. La rage du premier texte, ça s'héritait du dernier. J'avoue même quand je m'engage, vise pas le prix Nobel. Moi je veux juste déchirer comme Reggie Noble. Pas comme Regino Cote, je donne ma résine au teug. Car j'ai lâché ces conneries, je vis ton club et y'a que moi que ça fait gollerie. Je l'ai ouverte ma trousse vers quoi 12-13 piges. A l'époque j'en voulais au monde entier pour faire vite. Fustigeant mes camarades, tous perfides ou serviles. Douce estime pour les solitaires, mes couches d'esprit. Depuis, pas beaucoup de vieux copains, Seb, Scoop. Puisque toujours pas prêt à échanger des lieux communs sur Facebook. J'en fais pas tout un plat, après tout je m'en fous. Et je m'excuse, mais si on se croise, ne me donnez pas de news, merci. Off course, qu'on s'en fout de névrose. Et des insomnies ténébreuses à dénombrer mes proses. Preuve, on est que des bons trucs, y'en a encore. Comme Jim Oclès, pour avoir un flot de malade, on n'a pas attendu grand corps. J'aurais pu devenir fat dans le rap, mais pour ça faudrait pas que je m'en tape. Que je lâche des pseudo punchlines, vaguement fade ou vachement crade. Sur des beats à la base manjax. Que j'ai 30 verres, j'ai à peine la moitié d'âge mental. La loyauté, à ton avis, ça date, j'suis à la masse, j'ai dû croiser la route, Didi Amine Dada. V'là les histoires de lendemain de rêve qui déchantent. Si dans ma ville ça va, disons que les plus flexibles s'adaptent. Les autres niquent le bénef, disent le ténès. Pareil qu'on ira tous au paradis, eux visent les ténèbres et descendent. Pour ça que les quartiers chauffent, les débats non-stop. Y'a pas plus fertile comme terreau de descendre. J'pressens un sale final pour se coupler. Un bouquet de pétales, mouillé au pétale. Souillé, une caresse au métal rouillé. Allez-y monsieur l'agent, j'vois bien que votre manque de merde vous met mal fouillé. Chacun la sienne reste une règle de base. Depuis que j'applique de trois espèces de nazes, ne m'emmerde plus. Je me préserve d'un trop plein de potes, sachant que les pigeons n'attendent pas que tu sortes pour te faire dessus. Bref, break de base. La rage du premier texte, ça s'héritait du dernier. La rage du premier texte, ça s'héritait du dernier. La rage du premier texte, ça s'héritait du dernier. La rage du premier texte, ça s'héritait du dernier. Si je donne tout ce que je donne, c'est que par manque de temps. Quand sortira cet album, je raccrocherai peut-être les gants. Bon sang, je peux pas jouer avec le sens. Rap conscient, de ne vraiment plus rien avoir à foutre de ce qu'ils pensent. Des moutons de la tendance, n'appelle pas ça du rap. Emmerdera, tu rages, pisse dans leur pâturage. Fuck ces nouveaux arrogants, qu'ils soient MC ou danseurs. Oui, j'ai bientôt 30 ans, mais j'ai niqué vos grandes sœurs. C'est juste une maxime que je me ressasse sans cesse. Pour être un bon MC, du flow n'est pas censé. Pas encore distancé, ils voudraient déjà creuser ma tombe. Je suis toujours là, qu'ils m'attendent, malgré les coups, les hématomes. Mec, j'écris pas des thèmes, mais j'essaie toujours. Regardez, la rage du premier texte, ça s'héritait du dernier. La rage du premier texte, ça s'héritait du dernier. La rage du premier texte, ça s'héritait du dernier. Et c'est cet esprit qu'on garde en nous. Même si là on respire, tu sais qu'on vient d'en dessous. La dalle de Gargantua et la haine au fond du cœur. Heureusement pas en droit, l'espoir en fil conducteur. Chaque morceau est un vrai test, si tu l'as pas tu perds pied. La rage du premier texte, ça s'héritait du dernier. La rage du premier texte, ça s'héritait du dernier. La rage du premier texte, ça s'héritait du dernier.